Je sais que tu as de la peine, je sais que je te mens. Je sais que tu as des jours auxquels tu y repenses. Je sais que parfois tu trembles, je sais que t'es tout comme moi. Je sais que t'en perds le souffle rare jusqu'à t'user. Je sais qu'épuisé, pincé par le temps, je sais que tu nies tout. Je sais que tu ris et souffres, je sais que ton pouls te pousse. Je sais que tu saignes, je sais que tu as de la haine. Je sais que tu brilles, je sais que tu cries, je sais que tu le supplies. Je suis pas le seul à en souffrir et ça je le saurai très bien. De toutes ces traces qu'on a en soi, tout comme moi tu ne vas pas bien. Je suis pas le seul devant mon lit qui ne se sentira pas bien. Fou de quoi je devrais me dire, tout comme moi tu n'as plus rien. Je suis pas le seul à en souffrir et ça je le saurai très bien. De toutes ces traces qu'on a en soi, tout comme moi tu ne vas pas bien. Je suis pas le seul devant mon lit qui ne se sentira pas bien. Fou de quoi je devrais me dire, tout comme moi tu n'as plus rien. Je sais que tu pleures la nuit, je sais que tu te forces à rire. Je sais que tu te sens ravi, comme moi tu te sens puni. Je sais que tu verses tant de larmes, je sais que tu attends de mal. Je sais que tu ressens tes failles, faible jusqu'à mourir. Je sais que tu te sens trop ivre, faibli par des crises de vie. Je sais qu'en toi tu te sens perdu jusqu'à subir. Je sais que tu pleures, je sais que tu as tant de peur. Je sais que tu penses à nous dans tes souvenirs. Je suis pas le seul à en souffrir et ça je le saurai très bien. De toutes ces traces qu'on a en soi, tout comme moi tu ne vas pas bien. Je suis pas le seul devant mon lit qui ne se sentira pas bien. Fou de quoi je devrais me dire, tout comme moi tu n'as plus rien. Je suis pas le seul à en souffrir et ça je le saurai très bien. De toutes ces traces qu'on a en soi, tout comme moi tu ne vas pas bien. Je suis pas le seul devant mon lit qui ne se sentira pas bien. Fou de quoi je devrais me dire, tout comme moi tu n'as plus rien. Je suis pas le seul à en souffrir et ça je le saurai très bien. De toutes ces traces qu'on a en soi, tout comme moi tu ne vas pas bien. Je suis pas le seul devant mon lit qui ne se sentira pas bien. Fou de quoi je devrais me dire, tout comme moi tu n'as plus rien.